Vous êtes sur le 895 de Radio Dio, libre, sauvage et impertinente. Il est 20h30, c'est le deuxième dimanche du mois. Je m'appelle Chris Sorcier et je suis la voix de votre émission Synthé, Synthé. Synthé, Synthé. L'émission qui vous fait voyager sans jamais quitter votre quartier. Oh yeah! Bienvenido en el 89.5 de Radio Dio. Une émission pour vous, bande d'otaku, enfermés dans vos cocons, vos conaptes, à vous consacrer obsessionnellement à votre loisir préféré, la musique. Dans cette cinquième émission, je vais vous proposer de faire un voyage musical d'1h30, sans pub. Un vrai film du dimanche soir, histoire d'oublier la reprise du lundi et surtout, la folie du monde actuel. Un voyage dans le temps, au pays des claviers. Un peu à l'instar de la galerie reconstituée de notre musée de la mine, nous allons remonter le temps pour aller des claviers maîtres aux premiers Farfisa, Krumar et autres Jupiter 8 qui ont construit, développé et façonné la musique psychédélique. Dans cette cinquième émission, le carburant de notre machine à voyager dans le temps sera le morceau Synthèse intemporelle, sorti en 1977 sur l'album Mi Studio Mi Live Crystal Machine du claviériste britannique Tim Blake, qui a officié notamment avec Gong et Oakwind. Il sera le support de la plupart de mes chroniques. Dans cette cinquième émission, nous partirons de 1978 pour remonter le temps jusqu'en 1965, faisant ainsi, cette fois-ci, un peu plus le focus sur les 60s et les premiers orgues électroniques au son rétro, un peu cheap, mais sympa, le fameux Cheesy Sound. Dans cette cinquième émission, pour la sortie du mois, nous ferons un tour au festival des siestes sonores, au fil. Et pour notre première chronique, Elvis Costello. De son vrai nom, Declan Patrick McManus, Elvis Costello est un auteur, compositeur, interprète anglais d'origine irlandaise, né le 25 août 1954 à Londres. Fan de Buddy Holly, il signe pour un premier disque chez Stiff Records. Mais comme ces derniers ne distribuent pas ses disques aux USA, Costello les quitte pour Columbia Records, où il retrouve Bob Dylan, dont il est également fan. Le Stiff Live Tour se fait avec Ian Dury, dans une ambiance pour le moins Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Durant cette tournée, Elvis Costello, fortement inspiré par Subterranean Homesynth Blues, va écrire Pump It Up. Cette chanson sortira en 1978 sur l'album Vicious Model. Deuxième album pour Costello, premier album pour The Attractions, le nouveau groupe qui l'accompagne. Composé de Bruce Thomas à la basse et de Pete Thomas à la batterie, simples homonymes et non frères, cette section rythmique incroyable va permettre à Steve Neave de prendre toute sa place à l'orgue Vox Supercontinental. Cette chanson se hissera dans les hit parades et deviendra très vite le morceau d'ouverture des concerts de Costello. Nous ouvrons donc cette émission sur le son rock de Pump It Up d'Elvis Costello and the Attractions. Yeah. World of Today sort en septembre 1977. C'est le second album de Supermax. Kurt Hohenstein est un musicien et producteur autrichien. Il crée le groupe de Space Disco Supermax en 1975. Le groupe est signé en Allemagne chez Atlantic. Leur tube, Love Machine, cartonne dans la majeure partie des hits européens. Kurt est au chant et au mini-moog. Il est accompagné de Richard Schoeners à l'orgue. Alors, puisque nous surfons sur les ondes du 895 de Duo, laissons-nous emporter par le son de Love Machine de Supermax. Et forcément, ce morceau est non seulement pour toi, Maxou, mais aussi pour toute la bande du QG. Get a piece. Cette troisième chronique, nous partons pour l'Allemagne, où Brian Eno, en pleine collaboration avec David Bowie sur l'album Heroes, va écrire quant à lui son cinquième album studio, Before and After Science. Pour ce disque, il va collaborer, comme à son habitude, avec les meilleurs musiciens du moment, Robert Wyatt, Phil Collins, Robert Fripp, Jackie Liebeszeit, et surtout, les membres de Cluster, Moebius et Rodelius. Sur mon coup de cœur, By This River, un pur bijou minimaliste, Brian Eno jouera du Yamaha CS80, Rodelius du piano et Moebius du Fender Rhodes. Pour cette quatrième chronique, nous nous envolons en Californie en 1977 pour écouter le seul album achevé du batteur des Beach Boys, Dennis Wilson. Complètement passé à la trappe à l'époque, il fait pourtant partie des albums qu'on écoute et dont on ne peut se défaire. Je suis un grand fan des Beach Boys et j'ai davantage écouté Pacific Ocean Blue, beaucoup plus que Pet Sounds ou Surf's Up, et c'est dire. Souvent en voiture d'ailleurs, en vacances, que ce soit pour rejoindre la Dordogne ou l'océan Atlantique, m'imaginant une vie de surfeur que je n'ai jamais eue, ou en sillonnant la Drôme, en véritable hippie que je suis. Time, à chaque fois, m'arrache des larmes. Ce morceau a la sensibilité d'un Robert Wyatt sur Rock Bottom. Ce morceau m'emporte tant par sa composition, sa mélodie, que par ses harmonies. Alors, puisque nous surfons sur les ondes du 895 de Dio, laissons-nous emporter par le son de Time de Dennis Wilson. Pour cette cinquième chronique, cap sur New York. Lors de ma précédente émission, je vous ai parlé du duo de Christophe et Alan Vega. C'est pourquoi, cette fois-ci, en toute logique, je vais vous parler du premier album de Suicide. Cet album éponyme sort en 1977 sur le label Red Star Records de l'ancien manager des New York Dolls, Marty Tone. Enregistré en une seule prise, cet album ne marchera guère à sa sortie, si ce n'est dans la scène punk et new wave émergente. il deviendra culte au fil des années. La légende urbaine veut d'ailleurs qu'à chaque fois que le disque passe, un groupe se forme. Avec un orgue Farfisa et une boîte à rythme Seabird Prince, passée dans diverses pédales d'effets, Martin Rêve crée une musique répétitive et hypnotique sur laquelle Alan Vega pousse des cris, tel un Elvis fou. Ce dernier définit sa musique comme une vision urbaine et violente des USA. La chanson que nous allons écouter sera d'ailleurs utilisée sur le magnifiquement sombre et visionnaire Civil War, film d'Alex Garland, à la base dystopique, mais aujourd'hui, hélas, quasi relégué au rang de simple documentaire. Nous écoutons Rocket USA de Suicide. Yeah. Synthé, synthé. Synthé, l'émission qui vous fait voyager sans jamais quitter votre quartier. Pour cette sixième chronique, j'ai envie de vous faire un cadeau, mes fidèles auditeurs. Quoi de mieux en effet qu'une machine à voyager dans le temps pour assister à un concert qui a eu lieu alors que l'on n'était pas né? Pour l'occasion, nous reprenons la direction de l'Allemagne en 1977, précisément à Benzberg, pour un concert de Stevie Lage filmé pour la télévision allemande, la WDR, le Rock Palast. Stevie Lage est un musicien britannique, chanteur, guitariste, claviériste, mais également producteur, affilié à l'école de Canterbury, groupement de musiciens de jazz rock progressif. Il est né le 2 août 1951 à Londres. Il a participé à de nombreux groupes tels que Uzel, Arzakel, Can et Gonk. En 1976, il sort son second album studio, Elle, enregistré et produit par Todd Rundgren. Les magazines Mojo et Q le classent 28e dans le top 40 des albums les plus cosmiques. Sur ce disque, il reprend notamment des Birds, mais aussi des Beatles. It's All Too Much de George Harrison, figurant sur le film d'animation Yellow Submarine. Pour ce concert, Stevie Lage est entouré de Phil Hodge au clavier, de Basil Brook au synthé modulaire, ainsi que de sa compagne, Mickey Girodi, qui le suivra tout au long de ses enregistrements, concerts et formations. Alors, fidèles auditeurs, à toi, Colin, Léo, Lucas, Arthur, pour fuir ce monde un peu lourd, nous allons faire comme si nous avions 10 ans, insouciants, et arborant notre plus large sourire, sauter de partout au son de cette reprise des Beatles par Stevie Lage, It's All Too Much. Bon concert à vous tous. I would like to introduce my friends to you all. On the keyboards, this is Phil Hodge. On the bass, Colin Bass. On the drums, Clive Bunker. On the guitar, Christian Boulay. And on the synthesizer, Basil Brooks and Mickey Girodi. This is yin-yang synthesizer, male and female. Now we're going to do a song you might know. This is called It's All Too Much.

Sur le label Polydor, en 1974, sort Change Up A Groove du Roy Ayers Ubiquity, tout juste un an après la BO de Coffee, film de Blaxploitation avec Pam Grier. Roy Edward Ayers Jr. naît le 10 septembre 1940 à Los Angeles. Dès ses premières années, il baigne dans la musique. Son père joue du trombone, sa mère du piano. Il étudie l'harmonie, la steel guitar, la flûte, la trompette, la batterie. Bobby Hutcherson, vibraphoniste de jazz, et son voisin, lui donne des cours. Lionel Hampton, vibraphoniste de jazz également, lui offre une paire de maillots. Il n'est âgé que de 5 ans, mais déjà, tout le prédispose à être le futur grand vibraphoniste que l'on connaît aujourd'hui. Et avec des tubes comme Everybody Loves the Sunshine, Running Away ou Freaky Dicky, il va très vite s'imposer comme le Godfather of Neo Soul. Change of the Groove est enregistré à Greenwich Village, New York, à l'Electric Lady Studio. Sur le disque, Harry Whittaker et Leon Padaris s'occupent du clavinet et du Fender Rhodes. Et Pat Rubio joue quant à lui du synthétiseur harp. Nous écoutons When Is Real Real du Roy Ayers Ubiquity. Giving of yourself with no regrets. À mes yeux, il n'y a rien de pire qu'un artiste qui se répète, qui fait exactement ce que ses fans attendent de lui. Oui, Don Van Vliet, aka le Captain Beefheart, a fait Trout Mask Replica, œuvre majeure de la acid jazz. Mais personnellement, même si j'aime beaucoup Ella Guru, je n'écoute pas ce disque tous les matins en me levant. Faut pas exagérer non plus. Et tant pis si ça choque, ça aura au moins le mérite d'être clair et surtout honnête. J'adore le Captain, son chant rocailleux, les rythmiques bizarres du Magic Band, le theremin sur Electricity, la folie d'Abazaba. Mais merde, le disque que j'écoute et affectionne le plus, ça reste Blue Jeans and Moonbeats, sorti en 1974 et j'assume. Ce disque est beau et touchant, tout simplement parce que le Captain y offre un visage différent, surprenant, une douceur, voire une certaine vulnérabilité qu'il n'y a sur aucun autre de ses disques. Et les arrangements sont juste magnifiques. Que ce soit la partie de piano et de guitare sur Fervent Van We've Gone ou la partie de clavier sur Observatory Crest, un véritable bijou. Rien que pour ça, ce disque figure dans mon top 5, juste derrière Funhouse et Rock Bottom, et devant Soon Over Baba Luma et Strange Days. Et putain, il mérite bel et bien sa place. Et puisqu'on est encore un tant soit peu en démocratie, je vous laisse vous faire votre propre opinion en écoutant Observatory Crest du Captain Beefheart sans son Magic Band d'origine. While the city was busy, we wanted to rest. She decided to drive up to Observatory Crest. We just saw a concert and heard all the best. We went on a ride, we got outside. The sand was hot, she wanted to dance. We saw flying saucers and all of the rest. Palms in High Spain from Observatory Crest. While the city was busy, we wanted to rest. She decided to drive up to Observatory Crest. We just saw a concert and heard all the best. So the only thing to do was to drive up and watch the city from Observatory Crest. While the city was busy, we wanted to rest. She decided to drive up to Observatory Crest. We just saw a concert and heard all the best. So the only thing to do was to drive up and watch the city from Observatory Crest. La même année, en 1974, sort mon morceau préféré des Stones. Enfin, plus qu'un morceau, une jam, avec une configuration pour le moins surprenante. La guitare rythmique jouée par Jagger sur une cabine Leslie, la basse très funky tenue par Mick Taylor, Keith à la wah wah, Bill à sa meilleure place, c'est-à-dire au synthé, Charlie comme d'hab à la batterie, Billy Preston aux clavinettes et Nicky Hopkins au piano. Un groove de malade. Alors, puisque nous surfons sur les ondes du 895 de Dio, laissons-nous emporter par le son de Fingerprint File des Stones. Thank you. Yeah, you know, we ain't talking alone. Who's listening? But I don't really know. But you better tell the SIS to keep out of sight, 'cause I know they're taking pictures on me ultraviolet light. Yes. Yeah, but these days it's all secrecy, no privacy. Shoot first. That's right. Lay low. Lay low. Bye bye. Synthé, l'émission qui vous fait voyager sans jamais quitter votre quartier. Si vous avez écouté ma dernière émission, en particulier l'interview de Vince, des Clean Cuts, John Z, Voyou, vous êtes devenu incollable sur le protopunk, et je n'ai pas en rajouté davantage. Pour les autres, le podcast de cette émission est dispo sur la page de Dio. Pour cette chronique, nous parlerons du MC5, le Motor City 5. Motor City est le nom donné à la ville de Détroit, et 5, tout simplement le nombre des membres du groupe. Le noyau dur du groupe est composé de deux guitaristes, Wayne Kramer et Fred Sonic Smith. Rob Tyner s'essaye d'abord à la basse, puis prend finalement le chant. Michael Davis à la basse et Dennis Thompson à la batterie les rejoignent. C'est en 1966 qu'ils font la rencontre décisive avec leur guide, John Sinclair, poète et chroniqueur hippie, mais surtout leader du White Panther Party. Repérés par Jack Holzman, ils sont signés sur Elektra pour le premier album Kick Out the Jam. Back in the USA et High Time, leur second et dernier disque, sortiront sur Atlantic Records. High Time sort le 6 juillet 1971. Un son massif, un groove énorme, des chansons sublimes. Wayne Kramer joue la partie de piano et l'orgue est joué par Skip Van Winkle Knappe sur le morceau que nous allons écouter, Miss X. I Nous restons à Détroit pour parler d'Alice Coltrane. Tout comme Roy Ayers, Alice MacLeod naît dans une famille où la musique et sa pratique sont omniprésentes. En 1963, elle rencontre John Coltrane. Coup de foudre immédiat. En 1965, elle quitte Terry Gibbs pour rejoindre la formation de John et remplace son pianiste McCoy Tyner. Depuis 1964, John s'intéresse aux musiques d'Extrême-Orient. Il commande une harpe, voulant l'intégrer à sa musique. La harpe n'arrivera qu'après sa mort. Alice va s'intéresser au jazz modal, à la musique indienne et jouer de l'harpe. Avec Dorothy Ashby, elles deviendront les références de cet instrument trop souvent cantonné au classique. Deux disques sortent du lot, Ptave al Daoud et Journey in Sachidananda. Comme j'ai la contrainte du clavier dans mon émission et que je suis surtout fan de Pharoah Sanders, nous allons écouter ce magnifique morceau sur lequel Alice joue du piano, Stopover Bombay, issu de son quatrième album studio, Journey of Sachidananda. Cette chronique, petite virée en Afrique du Sud pour écouter l'hymne anti-apartheid pour lequel son auteur était disque d'or sans le savoir. Le documentaire Sugar Man retrace très bien, et mieux que je ne pourrais le faire, la folle histoire de ce guitariste que tout le monde croyait mort. Nous écoutons I Wonder de Sixto Rodriguez. I do. mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. Wonder I do. I wonder about the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my friend. Wonder, don't you? I wonder how many times you've been had, and I wonder how many dreams have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? Le 24 novembre 1969, Tim Buckley sort son quatrième album, Blue Afternoon. Pour plus de liberté artistique, Buckley quitte Elektra et produit lui-même son disque sur le label de Frank Zappa, Straight Records. Il expérimente et part dans des morceaux planants, plus jazz, plus mélodie. Well, I was born a blue melody, a little song my mama sang to me. It was a blue melody, such a blue. There ain't no wealth that can buy my pride. There ain't no pain that can cleanse my soul. No, just the blue melody sailing far away from me. One summer morning I was raised, but I don't know. One summer morning so. Synthé, synthé, l'émission qui vous fait voyager sans jamais quitter votre quartier. Et nous attaquons la dernière phase de cette émission, la plongée dans les 60s avec ce son d'orgue très typique, le Cheesy Sound. Et pour ouvrir le bal, le groupe emblématique du mouvement Mods, empreint de blues, de soul et de rhythm and blues, les Small Faces. Ils se forment en 1965 et dès leur début enchaînent les tubes. Quatre membres, Steve Marriott au chant et à la guitare, Ronnie Lane à la basse, Kenny Jones à la batterie et au piano électrique et orgamond, Ian McLagan. Nous écoutons Tin Soldier des Small Faces. Je sais, j'ai déjà passé un morceau du Pink Floyd dans mon émission précédente, mais le Floyd d'après Barrett. Et avec Sid, ce n'est pas vraiment tout à fait le même groupe. Sid avait ce petit quelque chose en plus que l'on nommerait assez facilement le génie mélodique. La preuve, avec un morceau qui donne la part belle au clavier farfisa compact duo de Richard White. See Emily Play, sorti le 16 juin 1967. Misunderstands. She's something inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play free games for play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for me. See Emily play. Avec le prochain morceau, nous allons nous enfoncer un peu plus profondément dans un état de psychédélisme accru, détendu, au fond de notre canapé. Une légère odeur d'encens, avec un verre de vin ou de bière artisanale, avec une clope, ou plus, si affinité. Alors, puisque nous surfons sur les ondes du 895 de Dio, laissons-nous emporter par le son de I Had Too Much to Dream des Electric Prunes, sorti en novembre 1966. I'm not ready to face the light. I 18e chronique, Courage mes blés, l'émission touche bientôt à sa fin. Et comme le dirait Pierre, dont le Père Noël est une ordure, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Sky Saxon au chant, Jane Savage à la guitare, Harvey Sharp à la basse, Rick Andridge à la batterie et Daryl Hooper au Wurlitzer forment le groupe garage californien The Seeds. La légende veut que leur morceau Fer de lance, Pushing Too Hard, ait été écrit en quelques minutes seulement sur le tableau de bord de la voiture d'un Sky Saxon, plus que frustré d'attendre sa petite amie sortir enfin du supermarché. De par leur attitude et musique sauvage, ils deviendront une référence pour de nombreux groupes punk quelques années plus tard. Nous écoutons Pushing Too Hard des Seeds et crois-moi, mon Lolo, tu vas adorer. Le dernier morceau de la playlist de cette cinquième émission a été écrit pour Nina Simone par Benny Benjamin, Horace Hodge et Sol Marcus en 1964. Il a été repris un an plus tard par The Animals, groupe britannique de rhythm and blues, justement spécialisé dans les reprises. C'est ce qui les a fait percer assez vite chez Columbia d'ailleurs. En attendant la sortie du mois aux siestes sonores du fil, laissons-nous embarquer par Don't Let Me Be Misunderstood, The Animals. Baby, do you understand me now? Sometimes sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Le lundi 23 mars commençait le festival des siestes musicales au fil. Le festival durait toute la semaine. Le lundi étant ma journée de repos, oui je sais, j'ai de la chance. J'ai donc zappé le repas de midi pour foncer au fil. Le boulevard Jules Janin en 4x4-2, dans ma Panda, et des parlevents, tellement j'allais vite, je devais dépasser facilement les 40 km/h. Je me gare, je bugne contre un plot. Ma voiture légèrement plus abistrognée qu'à l'accoutumée. À coussin sous un bras, mon plaid dans l'autre. Dans la grande salle, tout à borgnon, emmitouflé dans mon plaid, à cacasson dans ma chaise longue, je peux alors savourer l'instant et le premier concert, Régular Ensemble. Le projet est mené par Jean-Baptiste Cognet. Il est accompagné au synthé modulaire et orgue par le Stéphanois Hatton, Antoine Prost, dont j'ai parlé dans ma deuxième émission, ainsi que par un guitariste, deux violoncelles, un violon et deux sax. Il propose une musique répétitive façon Neue et évolutive façon Godspeed. Un magnifique visuel permet aux spectateurs de décoller. Alors forcément, dans le cadre de ce festival, c'est le groupe rêvé. À 14h30, deuxième concert, le Stéphanois Tamagawa et son blues psychédélique lunaire. Dos au public pour rester concentré sur la magie de l'instant. À Chapeux, je m'endors, bercé par cette musique. Vous l'aurez compris, je ne peux que vous conseiller ce festival, alors l'an prochain, ne le loupez pas. Voilà, cette émission s'achève. Quelques remerciements pour vos retours, vos remarques et surtout votre soutien. Yves, Pâques, Raymond, Coco de la machine à découdre, JP de King of Zoo et Thierry de Roulette Russe. Et spécial clin d'œil à mon barbu qui est en train de m'écouter dans son bain. Si vous avez des coups de cœur musicaux que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à me faire signe sur les réseaux. Bon, j'ai suffisamment bajassé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle nuit sur les ondes du 895 de Radio Dio. Et je vous retrouve le dimanche 10 mai à 20h30 pour la 6e émission de Synthé, Synthé. Un verre de vin, la fête est folle, c'est le 10e et je suis bien. Un verre de vin à la Von Gogh, était-ce à Rome ou à Turin? Tu te souviens le petit resto, le petit bonheur entre deux trains? verre de vin à Château Lafitte, avant la fuite, au petit matin. Tu te souviens comme on a ri de nos conneries, c'était divin. Un verre de vin, médicament contre la peur du lendemain. Une bouteille, une étiquette, sera-t-il bon? Je suis pas devin. Un verre de vin, une cigarette, un verre de vin. Oui, c'est pas bon pour la santé, mais je veux pas vivre le pied sur le frein. Un verre de vin, mieux qu'un iPhone, mieux qu'un diamant, mieux qu'un parfum. Des fois relou, des fois collant, des fois plombant. Meilleur ami de l'écrivain. Un verre de vin, ce goût dans ma bouche que je n'ai pas aimé la première fois. Un verre de vin sur mon lit de mort, je veux en boire une dernière fois.